C'est 18 plus 50. 24 plus 47. 85 moins 6. 12 plus 60. 95 moins 13. 36 plus 55. 83 moins 3. 80 plus 16. 99 moins 26. 54 plus 23.